Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante. Afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dis, je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dis, vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer. Éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Dis, je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche, ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. C'est lui qui connaît le mystère, il ne dévoile son mystère à personne. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur, ils cernent de son savoir ce qui est avec eux et dénombrent exactement toute chose.